3 juillet 2018. Le voyage à Nantes, grand événement culturel et touristique estival, vient de débuter. Il nous invite à suivre la ligne verte tracée au sol, à la découverte de la ville et de ses œuvres d'art insolites, avec pour thème l'éloge du pas de côté. Mais si on s'aventure à faire ce pas de côté, c'est au risque de mettre les pieds dans le plat. En effet, à quelques mètres seulement de la ligne verte, au cœur du centre-ville de Nantes, c'est un tout autre tableau qui se dessine. Alors que les maisons d'accueil des jours sont déjà saturées. Au square d'Avière, des centaines de personnes ayant fui leur pays tentent de survivre dans un camp de fortune, sans possibilité de subvenir à leurs besoins alimentaires. Spontanément, des associations et des citoyens solidaires organisent des distributions de repas. Mais les associations et structures déjà implantées vont fermer leurs portes pour le repos d'été. Il manque de lieux où stocker et préparer des repas. Et la situation risque de se transformer en grave crise alimentaire. Mardi 3 juillet, l'autre cantine est inaugurée. Lieu de coordination et d'action pour apporter une aide alimentaire d'urgence et un soutien matériel aux personnes à la rue. Tentative de répondre de manière provisoire à la trêve estivale des associations. Cuisine solidaire, lieu de réception des denrées, de préparation des repas, point de départ vers les lieux de distribution. Lieu de résistance à l'indifférence, où on parie sur l'action collective, la solidarité concrète, la récup, la mutualisation et la synergie des forces. Ici, on rêve d'une fraternité cuisinée aux petits oignons et on ouvre l'espace des possibles aux pieds de biche. De juillet à septembre, on a laissé traîner notre micro à l'autre cantine. Au hasard des événements qui ont rythmé l'été et du quotidien qui s'y construisait peu à peu. Pour garder une trace de ceux qui s'y vivaient, de ceux qu'on y croisait, des tranches de vie, de moments partagés, des instants volés, comme un carnet de vacances, une vidéo de famille, un album photo, comme des cartes postales qu'on s'enverrait à soi-même, celles d'un autre voyage à Nantes. C'est un souvenir du début de l'aventure, et comme tout souvenir, c'est forcément incomplet, pas toujours très chronologique, parfois embrouillé ou bordélique, non exhaustif et subjectif. On a appelé ça les pieds dans le plat. Et pour la première du nom, on vous propose de découvrir certains des collectifs qui ont mis la main à la pâte en cuisine pendant tout l'été. L'équipe de la Carterie, la Team Soudan, la cantine de Clisson et un bout de chemin. L'autre cantine, bonjour. Ça sent brûlé, non? Faites tout pour notre cantine, s'il vous plaît. Ça parle dans la cuisine, hein, ça parle. Hein? Mélange avec du force. Non, mais si. Avec des lamas. Deux mains. Voilà. Merci. Ah, il y a une voiture. Dans la rue, il y a les stationnements là qui sont. Personne, c'est personne. Hé, maman, ici, Wata. C'est pas fini, bien. C'est quoi là, c'est la céleri? Oh la vache. Mélange. Ça c'est avec de la force. Non mais j'ai pas trouvé ça. Non. Attends, attrape ça. C'est bon, c'est lui, khalas. Khalas, maman. La ilaha illallah. Fais la cuisine avec des lunettes de soleil. Laisse-toi ça. Parle-moi si c'est bien. Il y a assez de monde là en cuisine. C'est comme ça qu'elle s'adapte. C'est bon. Bah ouais, on aimerait bien se présenter en fait de ce côté. Bon, on est de la Carterie, on est dans une squat en fait. Bon, on est là pour collectivement participer, comment dire, des collectifs pour cuisiner des gens sans abri en fait. De ce côté, bon, comme il y a différentes associations qui sont là, bon, nous aussi. Notre collectif, c'est un collectif de... En fait, on n'a pas de papier, on a jugé nécessaire au lieu de s'asseoir comme ça. C'est à cause de ça qu'on a créé ce petit équipe de cuisine pour être visible, quoi, en fait, pour cuisiner dans des assos, pour aider, pour soutenir. Et puis, puisque on gagne pas grand chose dedans, mais quand même on soutient. On a fait la cuisine pendant des mois, ouais, depuis à la Sensive, de l'occupation de à l'université là-bas. On a commencé de cuisiner pour les migrants qui viennent jusqu'à présent, on continue. Ouais, jusqu'à Bréa encore, on a été encore à la ZAD pour même 2 semaines. Et puis B17, et puis on a B17, ouais, Secours catholique encore. Le poulet, après on va finir, on va faire des sauces avec ça. Le mafé. Ah, c'est du mafé, le fameux mafé. On aimerait bien si l'État arrive à nous intégrer, ça nous ferait plaisir, ça, à cause de ça, on est là collectivement, on participe à notre énergie, bon, quand même. On souhaitait encore d'être accompagné, quoi, en fait, puisque déjà on est des sans-papiers, et puis on a notre projet en main qu'on veut faire visible, et puis on lance notre voix pour gagner quand même d'aide, quoi, en fait, au niveau d'accompagnement pour au moins une régularisation, ou bien... Ouais, ça nous ferait plaisir de gagner des papiers et puis de continuer notre lutte encore. Ouais. Il a dit que je suis trop content pour travailler les gens, les amis, tout ça. Je suis très content pour faire la cuisine ici, pour tout le monde, il est très content pour ça. Et je prépare ici parce que la station, il a donné toutes les choses, tous les nettoyeurs. Je suis très content pour travailler avec cette station. Il a dit qu'on est à peu près 5 personnes, toujours en cuisine, parce que la station, il donne toutes les choses qu'on a besoin, donc on est capable de faire quelque chose de meilleur pour les amis, meilleur pour le plan pour les amis. انا بقول شكرا شكرا جزيلا يعني لهذه الجمعيه وبنتمنى من المزيد التقدم on remercie le groupe de notre cantine mais toujours on est là pour travailler les amis et la station toujours on est prêt pour ça et on est content pour le travail. On fait pas mal de dons pour le repas du lundi là pour notre cantine. Alors à la base, il y a des gens qui faisaient de la récolte, enfin pas de la récolte, du cumul de dons pour emmener à l'autre cantine, genre des couvertures, des produits d'hygiène, de la nourriture, des légumes. Ils apportaient tout ça dans 2 endroits associatifs du coin, la PMU et je sais plus où. Et c'était emmené à l'autre cantine. Et moi, j'emmenais des légumes, tout le surplus que je produis des légumes. Et le surplus de légumes, je le livrais à l'autre cantine et en fait, une fois j'y suis allé, j'ai vu le stock de légumes qu'il y avait à l'autre cantine, quoi. Et ça m'a paru bizarre de juste leur donner et genre démerdez-vous. Donc on s'est demandé si on pouvait pas nous les cuisiner plutôt que de leur livrer de la matière comme ça. Qu'on a essayé sur un lundi si on pouvait cuisiner le surplus de légumes qu'on produit ici. Ça s'est super bien passé. On était 3-4 au début, en 3-4 heures c'était plié. On a livré la bouffe. C'était quand tout le monde était rendu au lycée squatté, je sais plus le nom, là, en face du bateau du chantier naval. Voilà, ça s'est super bien passé, du coup on s'est demandé si on pouvait pas le faire tous les lundis et ça avait l'air d'intéresser l'autre cantine, de se libérer une fois par semaine le local complètement, quoi, qu'ils aient rien à faire ou peu, et pour pouvoir faire de la peinture, retaper le squat, faire de la paperasse. Je mettrais pas tout. Hein. Voilà comment l'initiative est née, quoi. Amina. Hey, maman. Djibouti. Djibouti. Moi, je viens et je vais le riz et je pars. C'est 5e fois que je viens. Mais non, les 2 fois, je fais avec Soudanais. Ouais. Et je sais pas où. Moi, je viens, je vais le manger, mais je demande pas où ils sont maîtres. Voilà, c'est tout. Je suis partie du collectif Un bout de chemin. Un collectif qui a été créé par quatre personnes, initialement Fatim, Radia, et puis Mina et Sarah, qui ont commencé par faire de la cuisine dans leur propre cuisine, à récolter des dons par rapport à leur entourage, et qui ont commencé à donner des repas auprès des migrants. Ça fait maintenant presque 2 mois et demi. Donc c'était les prémices de l'autre cantine. De fil en aiguille, le réseau s'est agrandi et il y a eu la création de l'autre cantine. Donc on s'est intégré dedans et on a 2 permanences, le mardi et le jeudi. Et du coup, on fait les repas pour entre 400 et 500 personnes le mardi et le jeudi. Et on participe aussi à la distribution le soir. Qu'est-ce que ça a changé, le fait qu'il y ait l'autre cantine qui ouvre par rapport Alors, à... la logistique. Notamment déjà la logistique financière, parce que du coup on recevait des dons mais il fallait gérer une cagnotte. Après il y a aussi la logistique au niveau des denrées, donc les gens nous donnaient les sacs de denrées qu'on stockait dans nos coffres. Donc oui, en termes de logistique, du coup là le fait que les gens apportent les denrées à l'autre cantine et que tout est géré et que tout est bien hiérarchisé et qu'on sait très bien que quand on va arriver, vu que la cantine gère aussi au niveau de réapprovisionnement, on va avoir de l'huile, on va avoir des tomates, on va avoir des épices, on va avoir tous les éléments qui vont nous permettre de faire notre repas en temps et en heure quoi. Et aussi la vaisselle. Qui, du coup, ce qui nous a permis d'avoir des ustensiles qui sont bien plus importants et qui nous permettent de cuisiner du coup des quantités un peu plus importantes, quoi. Faire la distribution, discuter avec les migrants, gérer au niveau des kits d'hygiène. Enfin, il y a certes la distribution des repas, mais il y a aussi la gestion de l'humain, les réconforter, les rediriger vers les différents sites administratifs, faire de la traduction aussi. Un petit peu. Il faut appeler Kirikou. Kirikou ne fait rien. Kirikou. Oui, il faut appeler Kirikou. Kirikou. De voir des personnes qui sont là dans notre propre ville à mourir de faim, à dormir à la belle étoile et qui restent des jours sans manger, je pense que n'importe qui serait sensible à cette cause. Et puis on avait le temps et les moyens de faire quelque chose, donc on l'a fait, tout simplement, je pense. Got my blood, I've got life.